Juste le début. Il faut finir les cafés avant de les renverser sur les synthétiseurs. Comme les bières sur les zombies. Ça descend. Ah ouais, ça descend après. Des fois, j'arrive à synchroniser des boucles MP3, mais avec la chance.